Chapitre 36e. Fais ton grog, dit le fourrier en poussant le cruchon d'eau chaude devant Anatole. Puis, tandis que celui-ci mélangeait le rhum avec l'eau, il continua. Il est bien entendu, n'est-ce pas, que notre homme est à la tête d'une fortune considérable et qu'il n'a pas d'autre héritier que toi. C'est-à-dire mon père. Bon. Mais comme ton père se fera loger un jour ou l'autre une balle dans la poitrine sur une barricade, il ne compte pas. D'ailleurs, échappa-t-il à cette balle et aux autres causes qu'il a pour ne pas demeurer longtemps dans ce monde, que ta position n'en serait pas moins superbe. Quand on est le fils d'un homme qui a hérité de plusieurs millions de rentes, il n'est pas difficile de trouver d'aimables capitalistes qui vous escomptent à un taux raisonnable la mort d'un père qui ne peut pas vous déshériter. Car il ne pourrait pas te déshériter, le papa chamberlain. La loi, le plus souvent, est une fameuse gredine, mais quelquefois elle a du bon. Ça dépend de la position qu'on occupe. Ce que c'est que d'être l'élève d'un philosophe, comme on trouve tout de suite le mot d'une situation. Nous n'avons rien, la loi nous gêne. Nous avons quelque chose, elle nous sert. Voilà, c'est bien simple. Enfin, dans le cas présent, la loi est pour toi. Elle t'attribue ou elle attribue à ton père, ce qui est tout un, je te l'ai démontré, l'énorme fortune de notre Américain. Pour cela, que faut-il? Une chose bien simple, que notre Américain passe de vie à décès. Et tu demandes ce que j'aurais fait si j'avais été à ta place. Vrai, tu es un naïf. Enfin, j'ai pitié de ton jeune âge, et je veux bien t'expliquer quelle aurait été ma conduite. Tu as laissé éteindre ton cigare. C'est flatteur pour moi. Je vois que tu m'écoutes avec attention. Et de fait, les deux coudes posés sur le guéridon, les yeux fixés sur ceux du fourrier, il était si attentif qu'il avait laissé son cigare s'éteindre entre ses lèvres à demi ouvertes. Il prit l'allumette que le fourrier lui présentait, mais son cigare ne voulut pas brûler. « Tu n'as plus de souffle, » dit le fourrier en riant. « Quel succès ! Je m'hâte donc de continuer pour ne pas te faire languir. Je suis à ta place, c'est-à-dire Anatole Chamberlain lui-même. Mon cousin, le colonel Chamberlain, arrive à Paris. Il manifeste le désir de me voir et je vais lui rendre visite. Je ne lui demande rien parce que je suis fier, mais j'attends qu'il me propose quelque chose parce que je sais quels sont mes droits. C'est ainsi que j'ai fait. Il me propose d'aller en Amérique. J'accepte. Tu aurais accepté, parfaitement. Et je te dirai tout à l'heure dans quel but. Car tu ne me supposes pas assez nigaud, je l'espère, pour croire que je me serais résigné à cet exil rien que pour être agréable à mon généreux cousin. D'ailleurs, mon exil n'aurait pas été long, le temps d'aller et de revenir par le vapeur le plus rapide. Toi, tu as refusé le voyage et tu as accepté tout bonnement une position à Paris. Ce qui, permets-moi de te le dire, était plus que naïf, car il était à peu près certain que ton cousin ne te proposerait quelque chose que pour que tu refuses, de manière à avoir le droit de crier bien haut qu'il avait voulu tout faire pour toi, mais que tu n'avais pas accepté. De sorte que ce n'était pas sa faute si tu restais dans la misère tandis que lui se pavanait dans sa splendeur. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Sois assuré que tout est vrai. Donc, voici comment les choses se sont passées. Et c'est au moment où tu as l'orgueil de ne pas vouloir te contenter d'une photographie dans laquelle tu devrais travailler du matin au soir que je prends ta place. Maintenant, je suis Anatole Chamberlain, et c'est comme tel que je pense et que j'agis. Tout d'abord, le refus dont mon cousin m'a vexé. Mon dépit ne dure pas longtemps, car enfin, on peut se consoler de n'avoir pas à dire 50 fois par jour, ne bougeons plus. Consolé, j'envisage la situation avec calme et je vois que mon cousin est un mauvais chien qui va me laisser crever de faim. Tandis que lui se collera des indigestions de truffes à plein ventre. Je raisonne et comme je suis un philosophe pratique, je reconnais que cela n'est pas juste, que mon cousin manque à tous ses devoirs envers sa famille et qu'en conséquence, vu en outre les circonstances aggravantes qui résultent de son énorme fortune, il mérite qu'on ne garde envers lui aucune pitié. Je me serais contenté de quelques centaines de mille francs de rente, mais puisqu'il refuse de m'avancer une part de ce qui m'appartient par droit d'héritage, c'est l'héritage entier que je veux et plus vite que ça, car je n'ai pas le temps d'attendre. Tu suis mon raisonnement, n'est-ce pas? Tu me fais peur. Nous avons donc nos nerfs. Tu bois ton grog trop faible, force le rhum, ça te calmera. Disant cela, il prit la bouteille de rhum et remplit le verre d'Anatole qui était presque vide. Puis, continuant, j'ai rendu mon jugement. Il ne s'agit plus que de le faire exécuter. Car je ne peux pas me charger moi-même de cette exécution, non par lâcheté, ma main ne tremblerait pas, mais par prudence, parce que si je faisais la chose moi-même, je serais immédiatement pincé, et ce n'est pas quand on va jouer d'une fortune dont l'idée seule donne le vertige, qu'on s'expose à se faire envoyer à la butte. À ce mot d'argot, qui signifie la guillotine, Anatole eut un frisson. Mais le fourrier parut ne pas s'en apercevoir et continua. « Heureusement, je suis Anatole Chamberlain, j'ai des amis. Et parmi eux, un solide matin qui n'a pas froid aux yeux et qui a plusieurs tours dans son sac. C'est le fourrier. Je me décide à aller le trouver, certain d'avance que de notre entrevue, il ne pourra rien résulter que de bon pour moi. C'est un homme de ressources et de plus, il a l'esprit assez ouvert pour comprendre à demi-mot, sans vous obliger à mettre les points sur les i, ce qui est quelquefois gênant. Est-ce là ce que tu penses du fourrier ?»« Oui, » murmura Anatole. « Tu arrives donc ici. Maintenant, ne nous embrouillons pas. Je suis toi et tu es moi. » Il se leva et, se dirigeant vers la porte, il joua son entrée, marchant comme Anatole en tournant légèrement sur les talons. « Eh bien, mon vieux fourrier, » dit-il d'une voix grêle, « je viens te faire mes adieux. »« Comment ? Tu pars, ma belle ? » fit-il en reprenant sa voix naturelle. « Oui, je m'en vais en Amérique. »« En Amérique, toi ? » ?»« J'ai réfléchi et j'accepte aujourd'hui la proposition de mon cousin le colonel. »« Mais tu l'as repoussé autrefois. » »« Je te dis que j'ai réfléchi. » »« Tu sais que si par hasard mon cousin venait à mourir, par accident ou autrement, je serais son héritier. » »« Mais ton cousin est plein de force. » »« Sans doute. » Mais un malheur est si vite arrivé. Suppose un moment qu'au lieu de mourir de sa maladie ou par un accident, mon cousin est tué. Comment ? Je n'en sais rien, mais enfin, tu conviendras avec moi que cela peut arriver. Certainement, il y a tant de brigands à Paris. Ah, ce ne sont pas les brigands que je redoute le plus. Ce sont des amis à moi ou à toi. Comment ? À moi ? Il s'interrompit, et quittant le ton du dialogue de théâtre qu'il avait adopté, il prit celui de la conversation naturelle. Nous ne nous embrouillons pas, n'est-ce pas ? « Toi, c'est moi. C'est-à-dire que tu me racontes que tu as peur de tes amis et des miens et que je te demande pourquoi. Là-dessus, tu continues. C'est que dans mes amis, comme dans les tiens, il peut s'en trouver un qui, l'esprit affolé par cette idée que si mon cousin venait à mourir, je serais son héritier, s'en aille planter son couteau entre les deux épaules du colonel Chamberlain, le soir, au coin d'une rue déserte ou ailleurs. Alors, qu'est-ce que ferait la justice ? Sa première idée serait assurément de chercher à qui ce crime profite. » Et elle trouverait sans peine que c'est à mon père et à moi. Mon père, elle le laisserait probablement tranquille, parce qu'en dehors de la politique, il n'a que de bons antécédents. Mais moi, c'est différent. J'ai eu l'ennui d'être compromis dernièrement dans le vol à Menzaga, et je ne m'en suis tiré qu'avec peine. De plus, il ne serait pas difficile de découvrir que j'étais en relation avec celui qui a fait le coup. Alors mon affaire serait tout à fait mauvaise. Voilà pourquoi je pars, c'est par prudence. Si, pendant mon absence, ce coup de couteau était donné entre les deux épaules du colonel, il serait impossible de prouver que j'ai poussé la main qui tenait ce couteau, et si, malgré tout, on venait à m'accuser, ma défense serait commode. Mon bras n'a pas 1200 lieues de long. Et j'écris. Montrez mes lettres. Il faudrait bien m'acquitter et m'envoyer en possession de l'héritage. Adieu donc, mon vieux fourrier. Et là-dessus, je m'en irais sans en dire davantage, bien certain que mes paroles ne seraient pas perdues. Tu m'as demandé ce que je ferais si j'étais à ta place. Je viens de l'expliquer en peu de mots. Maintenant, à ta santé. » Et d'une main ferme, il tendit son verre plein à Anatole, mais la main de celui-ci était si agitée qu'elle jeta quelques lampées de rhum sur le guéridon. Durant quelques minutes, ils se regardèrent les yeux dans les yeux. Mais autant le regard du fourrier était assuré et provoquant, autant celui d'Anatole était troublé et fuyant. Il avait posé son verre sur le guéridon, il se tenait les épaules hautes, les bras serrés au devant de la poitrine. Cependant, il fit effort pour réagir contre l'impression qui le dominait, et il grimaça un sourire. « Sais-tu pourquoi je ne viendrai pas te trouver, comme tu l'as imaginé ? » dit-il. « Je m'en doute. »« Non, tu ne t'en doutes pas, et je vais te le dire. » »« C'est parce que si, par impossible, ce que tu as prévu dans tes combinaisons se réalisait, tu me ferais si bien chanter que de mes mains, l'héritage passerait morceau par morceau entre les tiennes. » Le fourrier éclata de rire. « Tu te crois bien malin » s'écria-t-il en me disant cela. « Tu me prends donc pour un imbécile ?»« Ainsi, tu te figures qu'en paraissant raisonner, calculer, faire le fort, je ne devinerai pas ta frayeur. Tiens, tu ne seras jamais qu'une femmelette, incapable d'envisager une situation d'un œil ferme et de prendre une résolution d'homme. C'est le couteau qui te fait peur. Tu aurais dû te mettre dans la pharmacie. » La poudre à succession serait ton affaire. Tu as peur que je te fasse chanter. Mais est-ce que j'aurai aux mains d'autres armes que celles que j'ai maintenant ? Celles que tu as suffisent bien. En ai-je abusé ? T'ai-je tourmenté ? je t'ai demandé les services que tu pouvais me rendre, c'est vrai. Mais il me semble que cela était juste. En tout cas, ça ne t'a pas coûté très cher. Il s'en est fallu de peu. C'est pour ta prison que tu dis ça. Que veux-tu? Il n'y a pas de plaisir sans peine. Compte ce qu'ont rapporté tes quelques jours de prison et tu verras qu'à ce prix-là, l'affaire était bonne. Si Strafford n'avait pas passé la manche avec le magot, elle eût été assez belle pour se croiser les bras. Mais pour revenir à ta peur du chantage, je dis que tu n'es qu'un nigaud. Sans doute, si tu ne voulais rien donner à ceux qui t'auraient procuré l'héritage, on pourrait te faire chanter et rien ne serait plus juste. Mais tu ne serais pas assez bête pour ça. Est-ce que ça te gênerait de prendre 2 ou 3 millions dans le tas pour récompenser un ami? Tu ne t'en apercevrais seulement pas, tandis que l'ami, lui, aurait sa fortune faite et pourrait vivre désormais en bon bourgeois, marguillier, conseiller municipal. Quant à toi, avec une fortune pareille, que ne serais-tu pas? Le roi de Paris. Dis donc, roi de Paris, ça ne t'éblouit pas? Il se leva et s'inclinant jusqu'à terre. « Je dépose mes hommages aux pieds de votre majesté. » Puis, se redressant, « Mais restons-en là pour aujourd'hui. Tu réfléchiras. Pour le moment, j'ai des affaires. Au revoir. » Comme Anatole se dirigeait vers la porte pour sortir, d'un signe, il le rappela. « Tu sais que si tu te décides à partir pour l'Amérique, tu n'as pas besoin de venir me faire tes adieux et me jouer la petite comédie que je viens de représenter pour toi. Tu ne m'auras rien dit, rien demandé. Tu seras parti, voilà tout. Qu'il arrive quelque chose ou qu'il n'arrive rien en ton absence, car enfin il peut très bien ne rien arriver, ça ne te regarde pas et tu peux t'en laver les mains, non seulement dans le présent, mais encore dans l'avenir, non seulement devant le monde, mais encore devant toi-même. »